CKRL 89.1. Alors, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Sandra Lamoureux, très fébrile, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Alors, voilà, depuis 2 heures, le studio est un peu vide. Le studio est un peu vide, la station est un peu vide, parce que, vous le savez, les routes enchantées précédaient donc cette fameuse, vibrante émission, Ma boîte à cassettes. On avait eu le bonheur, donc cet automne, de revoir Jean-Philippe Deschênes à la barre de l'émission qu'il a créée, Ma boîte à cassettes, en septembre 2008. Une émission qu'il a animée avec une grande constance, une immense ferveur, que dis-je, jusqu'en février 2020. Dans cette émission, vous le savez, chers auditeurs et auditrices, il partageait son plaisir de plonger, de voguer dans le répertoire des plus grands succès des artistes et des musiciens qui ont marqué profondément leur empreinte dans cette période des années 70-80, cette période où la cassette était le support musical par excellence. Entre-temps, dans cette période d'implication à CKRL, Jean-Philippe Deschênes a été, entre 2009 et 2010, à la barre de l'émission d'Univers francophone, et ce, 2 fois par semaine. Comme si ce n'était pas déjà assez, Jean-Philippe Deschênes a également siégé au conseil d'administration de CKRL de 2010 à 2013, sans parler de sa présence vraiment constante, elle aussi, au fameux radiothon annuel pour solliciter des dons. Alors, il était au téléphone avec son charme désarmant. Il était là, présent auprès de toute l'équipe, de ses collègues pour différentes activités bénévoles. Et on a tellement de choses à faire pendant ces radiothons-là. Alors, il était partout, il était là, présent, constant. Il a même souvent effectué de belles entrevues. On se souviendra entre autres de son entrevue avec Herbert Léonard. Alors, souvenir aujourd'hui. On a une pensée très tendre, chaleureuse pour notre collègue Jean-Philippe Deschênes. Toute la communauté CKRL, de CKRL est en deuil. Jean-Philippe nous a quittés le vendredi 17 janvier dernier. Il a été atterré par un anévrisme cérébral qui lui aura été fatal à l'âge de 53 ans. Et on peut témoigner, moi, toute l'équipe des routes, on peut témoigner de ceci. Alors, il arrivait, Jean-Philippe, toujours une bonne heure et demie avant son émission. Alors, depuis son retour, là, au mois de septembre, il arrivait, il sentait là qu'il se remettait en selle, et comme il m'avait dit, la bicyclette, ça ne s'oublie jamais. On monte dessus. Au début, on tient le guidon, puis à un moment donné, on peut lâcher ce guidon, tellement la liberté, le plaisir vif d'être en onde et de faire de la radio s'empare de nous. Alors, très belle image de Jean-Philippe sur son vélo, au début avec le guidon, puis à un moment donné, oups, on est capable d'en faire en touchant plus le guidon. Alors, on pouvait l'observer, moi et mes collègues des Routes Enchantées, de l'autre côté de la vitre du studio, on pouvait l'observer, le percevoir dans cette fébrilité douce, belle fébrilité, fébrilité nerveuse qui montait chez lui à l'approche des 15 heures, de ces fameux 15 heures qui marquaient le début de son émission. Et lors de sa dernière émission, à ce moment-là, ça se trouvait être sa dernière émission sans le savoir finalement, le 12 janvier dernier, je l'écoutais encore en me disant à quel point on le sentait bellement vibrer en partageant avec nous ses choix musicaux, ses grands, grands succès. C'était là du bonbon à l'oreille, tous ces grands succès de l'époque d'âge d'or, justement, de ces de cette cassette hein, qui était en vogue, soit les années 70-80. Et on sentait bien qu'en diffusant toutes ces chansons si bien ancrées dans les ADN de plusieurs générations, Jean-Philippe nous offrait donc généreusement donc tout ce véritable voyage musical dans ce temps des boîtes à cassettes. Eh bien, nous sentions à quel point il se faisait un immense plaisir. Et ce plaisir, c'était immensément contagieux. Vous le savez, chers auditeurs et auditrices, comment on pouvait monter le son en écoutant cette émission. C'était une émission où on le sentait, il se déployait dans toute sa plénitude, sa joie. Et plus l'émission avançait, on le sentait vraiment très concrètement, immensément heureux d'être là, en onde, et de nous partager tout ça. Alors, au nom de toute la communauté de CKRL, au nom du conseil d'administration de CKRL, on a toutes nos pensées qui sont tournées envers sa famille, envers sa muse aussi, sa nouvelle amoureuse, Josée, qui était là cet automne, qui l'accompagnait lors de ses émissions. Josée était sa muse, en fait. On le sentait, un homme qui redéployait des ailes. On le sent hein, quand quelqu'un est investi par cette énergie de l'amour, l'amour qui est tellement important dans la vie. Alors, la grande équipe de CKRL, encore une fois, offre ses condoléances aux proches de ce collègue qui fut immensément apprécié. Merci Jean-Philippe pour toutes ces belles années de boîte à cassettes qui malheureusement se refermeront bientôt, mais pas tout de suite, parce que là, les deux prochaines heures, chers auditeurs, chères auditrices, seront justement dans les tons, dans les teintes, dans les couleurs, à l'image de ce que Jean-Philippe Deschênes aurait programmé sur les ondes de CKRL. Bonne émission. Portez-vous bien. Au revoir. Je sens des boumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire que ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des boumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les baumes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens les baumes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Je sens les boules et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'accord que je t'ai donné. Salut, ici Jean-Marc du groupe The Box et vous écoutez Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes sur les ondes de CKRL 89.1. Vous savez le nombre de navets qu'on voit sur les chaînes ordinaires. Leur grande utilité, c'est de nous éviter tout ce qui est somnifère. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Juste envie de se marrer. ça je crois le savoir. J'ai quelques bons amis qui accourent quand je crie à table et à la nôtre. Des gens surentraînés qui ont, c'est confirmé, un bras plus fort que l'autre. Pourquoi je crois savoir, je crois le savoir. Pourquoi je crois savoir. Y a une fille à Langui, au milieu d'un grand lit, qui attend que j'appelle. Si j'étais un guerrier et le monde à sauver, je commencerai par elle. Ça, je crois savoir. Je crois le savoir. Ça, je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. On n'a rien à déclarer, juste envie de se marrer. Les fadas, les tordus, la cour est pleine, n'en jetez plus. La vie c'est une drôle d'histoire, ça je crois le savoir. C'est ma chanson pour Jacques, celui qui se la coule dans son jardin de Corse. Écrite à sa manière, sans me faire une ampoule, sans me faire une entorse. Et ça, je crois savoir. I'm gonna take you home. Bonjour, ici Damien Robitaille et vous écoutez ma boîte à cassettes à CKRL 89.1 avec Jean-Philippe Deschênes. Nous chantons, marquant des temps déraisonnables. Nous chantons pour arrondir nos horizons. Nous chantons pour chatouiller le silence. Nous chantons dans une joyeuse innocence. Nous chantons et nous nous enchantons nous-mêmes. Nous chantons malgré la mort inexorable. Nous chantons pour gazouiller en toute saison. Nous chantons pour chevaucher nos défenses. Nous chantons comme des cow-boys en vacances. Nous chantons et nous vous enchantons. Des chansons qu'on n'a pas trop de peine à suivre. Des chansons qui nous aident un peu à vivre. Des chansons qui nous font entonner d'autres chansons. Des chansons qui couraillent sur les routes. Des chansons qui broient pour gagner leur croûte. Des chansons qu'on chantonne comme à l'unisson. Des paroles qu'on griffonne sur le mur du son. Nous chantons pour des fantômes immémorables. Nous chantons pour y perdre un peu la raison. Nous chantons pour taquiner la romance. Nous chantons pour tomber un peu en transe. Nous chantons et nous nous enchantons nous-mêmes. Nous chantons pour des motifs inexplicables. Nous chantons comme on dessine une maison. Nous chantons pour colorier l'existence. Nous chantons pour y mettre un pas de danse. Nous chantons et nous vous enchantons. Des chansons qui vous allument la mèche. Des chansons qui sortent un peu de la dèche. Des chansons où on mord le fruit de la passion. Des chansons qui poussent des cris de détresse. Des chansons qui lancent des SOS. Des chansons qu'on ébruite comme des émotions. Des paroles qu'on graffite sur le mur du son. Des paroles qu'on graffigne sur le mur du son. We'll be right back.

CKRL 89.1. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez maison.coop. Vous êtes une organisation culturelle et vous manquez de temps ou d'expertise pour obtenir des subventions? Orphée Subvention est là pour vous accompagner. Nos experts vous aident à identifier les subventions qui correspondent à vos projets, à monter des dossiers solides et à maximiser vos chances de succès. Gagnez du temps, réalisez vos ambitions et concentrez-vous sur votre mission. Contactez Orphée Subvention dès aujourd'hui par messagerie texte au 418-748-5305. Orphée Subvention, votre partenaire pour un financement réussi. À ne pas manquer à l'Anglicane de Lévis. Apparaît dans le cœur de l'œuf une étincelle qui grandit et bang! Le 31 janvier à 19h30, dans un spectacle inspiré de ses capsules contes-musiques portant sur la mythologie grecque à l'émission Dessine-moi un dimanche, Thomas Hellman revisite à sa façon la galerie des dieux et déesses, de Zeus à Athéna, de Vénus à Prométhée. Le 21 février à 19h30, Bachelor, pièce de théâtre écrite par Louis Saya, Louise Roy et Michel Rivard, est un immense succès du répertoire théâtral québécois. Bachelor, c'est découvrir un personnage inoubliable, Dolores, mais c'est aussi revenir à une époque où tout se disait. Rien n'était tabou. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. La fête hivernale du Centre Monseigneur Marcoux, présentée par la Caisse Desjardins de Limoilou, est de retour. Le samedi 1er février, de 12h à 16h, le Centre Monseigneur Marcoux organise la 4e édition de sa fête hivernale. Venez participer à des jeux de kermesse les plus divertissants les uns que les autres. Une initiation au patin à glace et une distribution de boissons chaudes seront offertes gratuitement pendant ce bel après-midi. Pour tous les détails, visitez la page Facebook du Centre Monseigneur Marcoux. Au Grand Théâtre de Québec, de concert avec TELUS, on vit de grands moments. De grands moments de douceur avec Béris le 16 février prochain. Tu as raison, tout est fini. D'une voix enveloppante, Béris offre des chansons qui bouleversent. Son univers est immense et intime à la fois. Sa sincérité vous charmera. Le printemps de l'exode où les fleurs de ta robe ont fané. Vivez de grands moments d'émotion au Grand Théâtre de Québec. CKRL. We'll be right back. Bonjour, ici Daniel Lavoie. Vous écoutez Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes. Thank you. corps immobile. Mais pour bien la begin danser, faudrait ma peau, ta peau toucher. T'es loin, t'es tellement loin de moi. La begin, je la danse pas. J'ai le cœur Salut, ici France d'Amour, vous écoutez ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes. Thank you. But now cuento al que no entienda. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo. Y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. CKRL. Au Grand Théâtre de Québec, de concert avec TELUS, on vit de grands moments. De grands moments musicaux avec Kloudvé, le 2 février. Virtuose de la musique ukrainienne à travers le monde, Kloudvé fascine par ses mélodies émouvantes et ses textes particulièrement riches et évocateurs. Vivez de grands moments de découverte au Grand Théâtre de Québec. Le festival Le Pocoff est de retour à Québec du 14 au 22 février prochain pour sa 11e édition. Moi, je resterai là.

Something from the inside out, then you won't have any difficulty in penetrating from the outside in. Ici Gilles Vigneault. Vous écoutez ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes. Tu me fais friquer, j'ai un beau boss. Me v'là ben gelé, t'es de ça, mi gosse. Tu bottes. C'est bien une belle guitare fausse. Quand j'ai fumé, ça me fait quelque chose. Le H, j'allais-moi plus. Pas de problème, c'est là je fais un bout de rip. Maudit que j'ai des beaux fleurs. Là je viens de poker, me v'là ben stone. Tiens, prends mon dime, c'est pour tout le monde. Le H. Blanche de Matisse. Wow, je suis bien high, c'est du bon stock. Celui qui fly, ça donne une choc. Le kiff. J'ai un beau boss. Même le bain gelé, tout ça because. Le grass. We'll be right back. son voyage le paladin est triste en vain car l'intouchable grand miroir dans le ciel. Il est amoureux d'une étoile ailleurs dans le reflet d'ici. Il s'en va, elle s'en va. Thank you.

banker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Ici Alain, Patrick et François du groupe Les Bébés, et vous écoutez ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes. Sur les ondes de CKRL 89,1, la radio culturelle à Québec. OK, let's have a go at the single. It's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. OK. In the dark, it's raining in the park. In the meantime, down on the river, you stop and you hold everything. Then inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition in other places. Yeah, but the horn can blow that sound. We on down south. We on down south. London town. Check out Kizar George. He knows all the chords. Strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. And an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. Saving it up for Friday night with the Sultan. With the Sultan's on swing. CKRL 89.1.